Section 18 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 18. Janvier au champ, par G. de Cherville. Chapitre 2. Le brouillard de janvier. L'hiver, en rupture de tradition, semble décidé à ne pas nous honorer de sa visite. C'est tout au plus si le givre dont il a glacé nos arbres et le tapis de feuilles mortes aux alentours du 1er janvier peut compter pour une carte cornée. Les arbustes, les végétaux aventureux se sont déjà mis à danser sur la table. Le lilas naïf enfle ses bourgeons prêts à crever. Enhardi par l'abri tutélaire des broussailles qui l'entourent, le chèvrefeuille allonge de véritables pousses. Le noisetier, les saules ont dégainé ces jolis pendeloques jaunâtres, dont les villageoises, qui les nomment des berbandoules, s'étaient couronnées bien avant que la mode en enrichît la flore des coiffures féminines. De son côté, le gazon s'émaille de pâquerettes en pleine floraison. Il se tache encore çà et là de quelques primes verts jaunes plus hâtées que leurs compagnes. Ayant peu à perdre, elles ont incontestablement le droit de tout risquer. Quant à la violette, ce n'est guère que dans les petites voitures sillonnant les rues qu'elle s'épanouit avec une profusion invraisemblable. Celle de nos jardins témoigne d'une méfiance dont nous ne saurions la blâmer. C'est surtout quand le chat sommeille qu'il faut craindre les coups de griffe. Ce ne serait point la première fois que cette longue clémence du maître des frimas aboutirait à quelques manifestations d'autant plus désagréables qu'elles seraient plus tardives. Si l'hiver ne fait son devoir au mois de décembre, janvier, au plus tard, il se fera voir le 2e de février, dit un ancien quatrain rustique. Attendez donc cette date avant de vous trop émanciper, pauvre fleurette et chère promesse du renouveau. Ne cédez pas trop tôt au bouillonnement de votre sève. Chiche de gelée, l'hiver est souvent prodigue de brouillard. Il n'est rien de plus attristant pour le campagnard qui s'éveille que la vue de ce rideau opaque interposé entre le paysage et lui. S'il sort, c'est pis encore. Le nuage marche avec lui, et l'horizon se circonscrit à une dizaine de pas. Il lui semble voyager sous une cloche de verre dépolie, sur les parois de laquelle les arbres, les massifs, les accidents de terrain qui lui sont familiers, lui apparaissent comme des taches un peu plus sombres. Ce genre d'intempérie est tellement redouté des paysans que nous ne savons trop s'ils ne lui préfèrent pas la grêle. L'horreur du gris n'est nécessairement pour rien dans cette aversion. La nostalgie du paysage, pas davantage. Ce sentimentalisme n'a pas cours au village. Si les bonnes gens exècrent les brouillards, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas d'influence néfaste qu'ils ne leur attribuent. Ils leur font porter la responsabilité de tous les maux qui peuvent les affliger. Épidémie, mortalité, mauvaise récolte, la coulure de la fleur de la vigne et du pommier, l'avortement des bestiaux, etc., etc. Le brouillard, c'est le loup de la météorologie rustique. Et s'il n'y a pas de fumée sans feu, cette épouvantable réputation ne peut pas manquer d'avoir quelques fondements. Les chasseurs aussi sont de cet avis que les nuées sont bien où elles sont et que nous n'avons rien à gagner à entrer en relation trop intime avec elles. Leur invasion gâte quelque peu les joies de ces messieurs. Les battues deviennent non seulement fastidieuses, mais dangereuses. Manquer un faisan qui ne vous est apparu que comme une tache confuse sur un rideau de mousseline jaunâtre, avec de la philosophie, on s'en console. Recevoir soi-même du plomb sans savoir à qui s'en prendre, cela est plus grave. En pareil cas, rien n'est plus topique que le droit de ménager à un camarade une jolie petite réputation de maladroit. Par un de ces temps à couper au couteau, nous nous trouvions en chasse dans un des parcs les plus giboyeux des environs de Paris. Au moment où l'un de nos amis ajustait un lapin, un paquet de mitraille caresse ses bottes et leurs alentours. Le châtelain désolé interroge, mais chacun se défend d'être l'auteur de ce malencontreux impair. La protestation affecte une unanimité qui produit une certaine stupeur dans l'assistance. « N'insistez donc pas, mon cher ami, » dit un aimable sociétaire de la Comédie-Française. « Il est absolument invraisemblable que ce lapin ait été à l'école des ci-devant gardes françaises. » Il aura tiré le premier, et voilà tout. Le brouillard à la chasse nous remet en mémoire une aventure qui, après une péripétie désobligeante, finit presque aussi gaiement que celle-ci. C'était dans l'Ardenne luxembourgeoise. J'avais avec moi un jeune serviteur, moitié wallon, moitié prussien, que j'avais cueilli à Malmedy, où il m'avait séduit par la correction avec laquelle il s'exprimait à la troisième personne. Nos chiens chassaient un lièvre sur les hauteurs, lorsque nous fûmes surpris par un de ces brouillards de montagne auprès desquels les nôtres sont de simples transparents, et qui sont d'autant plus redoutables que leur apparition est presque instantanée. Aussitôt que les vapeurs s'étaient épaissies, Friedrich, c'était ainsi que le pseudo-prussien croyait devoir prononcer son nom de Fritz depuis qu'il était au service d'un Français, se tenait obstinément dans ma poche, et il m'était facile de voir à l'agrandissement de ses yeux de veau, au frisson qui courait sur ses lèvres, qu'il n'était pas précisément rassuré. En me baissant pour compter les chiens qui nous avaient ralliés, je me sentis retenu en arrière et je m'aperçus que le prudent Friedrich avait jugé à propos de s'attacher à moi au moyen de la corde qui nous servait de harde. Le premier mouvement fut plein d'impatience, mais le pauvre diable était si déconfit, témoignait d'une telle terreur de l'obscurité qui s'était faite. Il me pria avec tant d'instance de respecter le lien qui allait nous unir l'un à l'autre que, haussant les épaules, je me résignai à le garder à la remorque. Tous les grands arbres du bois étant pour moi de vieilles connaissances, j'étais à peu près sûre de garder la bonne direction en allant de l'un à l'autre. Mais nous avions à traverser des bruyères sur une longueur de près de 2 kilomètres, et ces bruyères étaient semées de fondrières, en ce moment absolument masquées par la neige qui couvrait la terre. Là, la traversée devenait sérieusement redoutable. Je m'y hasardai avec précaution, m'orientant sur des rochers émergeant de loin en loin sur le blanc tapis. Friedrich, au bout de sa corde, tenait l'arrière-garde. Tout à coup, au moment où, encouragé par le succès du début, je commençais à aller d'assurance, je sentis le sol céder sous mes pieds et j'exécutai un plongeon selon toutes les règles de l'art. J'étais au fond d'un trou, avec 2, peut-être 3 mètres de neige sur la tête. Je ne crois pas que jamais diable ait ménagé pareille fête à un bénitier. Je me démenais dans ma ouate comme un blaireau pris au piège. Par un phénomène qui m'a toujours semblé bizarre, si sourde que soit la neige, tout en faisant rage des pieds, des mains et du reste, j'entendais très distinctement les gémissements, les lamentations de mon compagnon, qui appelait tous les saints du paradis à mon aide. Enfin, à force de me débattre, je réussis à escalader une des déclivités de mon entonnoir et à me hisser sur le bord où Friedrich, toujours gémissant, se tenait agenouillé. Ma culbute m'avait mis de fort méchante humeur, si bien que je lui reprochais avec quelque aigreur de ne pas avoir tiré sur la fameuse corde qui m'eût fourni un point d'appui tout trouvé. « Monsieur veut rire ! » s'écria Friedrich. Comme j'étais certain de ce qui allait arriver à monsieur, je tenais mon couteau à la main, et aussitôt que j'ai vu monsieur glisser, crac, j'ai coupé. « Dame !» ajouta-t-il avec une indignation tout juste tempérée par l'urbanité qui était son apanage. « Quand je me serais cassé la jet avec monsieur, ça n'est pas ça qui aurait raccommodé celle de monsieur, je pense. » Il n'y avait évidemment rien à répondre. Même quand il se rapproche de Jocris, le sens pratique n'abandonne jamais un Allemand. Fin de la section 18, lue par Cindy, près de Lille, en 2024.